Moi je tiens à vous dire que 4% de plus a fait mieux que moi. Go, tout à temps, tout le monde me donnait battu. C'est ça mon résultat. Mais ce n'est pas comme ça. Dans la logique du parti. Et c'est ça, 4% de plus dans l'histoire de ce PS. Du PSD, il y a le problème d'Orange. J'en suis très fier parce que. Il fait un grand accord. J'ai essayé de construire le monde de gauche. Et c'est extraordinaire. J'ai essayé. Extraordinaire. Je me suis battu. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jamais ça ne s'est fait. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. C'est la vraie victoire. Extraordinaire. Mon résultat. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour faire en sorte qu'à c'est extraordinaire. Moi je tiens à vous dire que sans avoir négocié, toute la Belgique nous observe. Parce que je suis un grand démocrate. Que on ne se trompe pas. Je suis d'accord pour faire en sorte qu'à la population sera mieux demain qu'aujourd'hui. Et bien grand accord. Le message du président du groupe. Que M. Reynders est d'accord. Il a quitté mon bureau tout à l'heure. Le monde de gauche. Et c'est extraordinaire. J'ai essayé. Extraordinaire. Je me suis battu. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jamais ça ne s'est fait. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. C'est la vraie victoire. Extraordinaire. Mon résultat. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour faire en sorte qu'à c'est extraordinaire. On verra bien qui sera la députée. Et c'est extraordinaire. J'ai essayé. Extraordinaire. Je me suis battu. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jamais ça ne s'est fait. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. C'est la vraie victoire. Extraordinaire. Mon résultat. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour faire en sorte qu'à c'est extraordinaire. J'ai la majorité absolue. J'ai 53%. Je me suis battu. Jamais ça ne s'est fait. Extraordinaire. Et c'est extraordinaire.